Hey, salut, salut, bonjour à tous. Bienvenue sur Radio Dio pour un open bar consacré à un génial festival qui s'appelle Cabaret Vert. Ouais, bah là, je vous entends déjà. Vous allez me dire, mais Cabaret Vert, c'est où, c'est quoi, c'est quand? Rassurez-vous, on va tout vous dire. Pour commencer, la petite bande qui m'entoure et qui a intégralement conçu cette émission vient de Charleville-Mézières. Ouais, ce sont des oseaux de Charleville. Charleville-Mézières, vous situez? Non, oui, pas trop. Eh ben, c'est les Ardennes, la pointe dans le nord-est qui titille la Belgique. Tous les copains de cette petite bande ont quitté Charleville il y a déjà bien longtemps, mais ils adorent y emmener leurs potes et s'y retrouver chaque été pour un festival un poil différent. Alors, une plongée pendant 2 heures dans le Cabaret Vert, c'est ce que Dio vous propose, c'est notre carte postale 2025, et c'est parti! Dis-moi que tu m'aimes encore, dis-moi que tu prends des risques, dis-moi que tu aimes la vitesse et les guitares électriques, dis-moi à quoi tu veux jouer, dis-moi que tu rêves de moi, prends mon cœur et fais-moi mal, surtout ne me laisse pas le jeu, ça compte ta blesse, tu prends et tu laisses. C'était l'une des artistes que l'on attendait le plus. On kiffe Éloi, capable de passer de l'eurodance à la drum and bass, au rock ou à la chanson. Bah, la chanson, ça lui vient de son papa, qui était compositeur pour Marie Laforêt. Mais en ouverture de Cabaret Vert, Éloi a donné le code avec ses gants de boxe. Faites du bruit, Cabaret Vert! Comment vous allez en cette ouverture de festival, soleil rasant? Vous allez bien? Vous êtes chaud? Faut qu'on ouvre le bal là. J'espère que vous avez l'énergie pour. Chaque, c'est Cardiff. Cardiff, c'est le rugby. Saint-Étienne, c'est le foot. Le point commun, bah, un stade dans la ville. Ah, Cabaret Vert, il se passe plusieurs trucs lorsque l'on entre pour la première fois sur le festival. D'abord, c'est en pleine ville. C'est à Mézières pour être précis, avec ses immeubles fin 19e ou Art déco. Un autre truc qui frappe lorsqu'on arrive, c'est la Meuse. Un fleuve mal connu et qui méandre au milieu des scènes du festival. Il y a même des ponts montés sur flotteurs pour l'occasion. Il y a aussi une terrasse flottante sur laquelle on peut se poser. Mais la Meuse, c'est surtout ce fleuve qui traverse les Ardennes et se jette magnifiquement beaucoup plus loin, comme une mer, dans cette bonne vieille ville de Rotterdam. Encore un truc lorsqu'on arrive au Cabaret Vert. C'est d'un côté une friche industrielle qui est retapée petit à petit par l'association à la manœuvre et de l'autre, un festival au milieu des bois, Cabaret Vert. Comme le disait notre pote Jérôme, vous levez le nez et il y a toujours une forêt qui pointe à l'horizon. Et Dali, en live cet été, c'était pas le dernier pour lever le nez vers les forêts. Existait. Cette fois je pleure comme si j'avais découvert que mes yeux pouvaient s'exprimer. Cette fois je pleure seul rue Voltaire, éclairé par le sentiment d'un vieux réverbère. Ça ne pleure pas, pourtant les larmes tomberaient presque dans mes poches. Ce soir c'est bizarre, tout tourne autour de moi. Ce soir je pleure dans les oreilles, tourne Ave Maria. Parfois je rêve d'être le prince de ce monde. De temps en temps je traîne et de temps en temps je tombe. Cette nuit qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que je serai le seul à devoir me sauver la vie? En attendant, j'écris des chansons pour demain. Je pleure en suffoquant, petit cœur au creux de mes mains. Moi qui voulais devenir un homme, pour ce soir c'est raté. Je glisse doucement dans cette plaque qui questionne ma virilité. Les larmes coulent, elles brûlent mes joues. Cette fois je pleure comme si j'avais pris le temps de m'écouter sans me faire taire. Cette fois j'ai peur comme si j'avais découvert que mes sentiments existaient. Cette fois je pleure comme si j'avais découvert que mes yeux pouvaient s'exprimer. Cette fois je pleure seul rue Voltaire, éclairé par le sentiment d'un vieux réverbère. Longtemps, elle rejoignait ma bouche comme pour me faire comprendre que ça brevait de douleur, forçait l'inspiration et qu'assumer ses pleurs forçait l'admiration. J'espère que tout va bien, j'espère que tu seras là demain matin. J'espère que tu déprimes un peu moins, me chuchote mon cœur qui je crois me connaît bien. Je ne sais pas si j'ai peur ou si c'est bon. En attendant, les garçons pleurent affolés par ce relâchement qui n'est pas d'honneur à son nom. Mais si le sel coule sur les joues de mes sœurs, je leur pose un baiser sur le front. Oh, qu'est-ce qui dérange un homme? Qu'est-ce qui dérange un garçon? On a un peu raté Mid parce qu'on grignotait un croque-maroilles. Mais bon, on l'a écouté de l'autre côté du fleuve. Il était caché dans les bois. Ça me dit bien, ça a l'air fou, ça. Ah ouais. I'm gonna make you mine. Traverser un open bar des dimanches de Radio Dio. Retour sur notre séjour au festival Cabaret Vert cet été. Et parmi les concerts que l'on attendait le plus, dans un registre électro, il y avait Jamie XX. Dance Together, soudain l'appel, la voix, la grande scène. We will dance and we will whirl. All you children gather round. We will dance together. Stop stop your crying and dance with me. Feel the rhythm. Feel the rhythm. We will dance to our own song and whirl around. All you children gather round. We will dance together. Du style à faire tous les suffrages de Télérama, on se disait que et puis l'air de rien. Zaoud Sagazan nous a embarqué avec un truc à la croisée de Barbara et d'une électro à l'orée du début des années 80. Et elle nous a eu, car généreuse. Généreuse pour emporter son monde vers une électro faite de réverb, synthé analogique, délai et chorus, influencée par New Order, Depeche Mode ou Soft Cell. Et le piano comme dédoublé dans nos têtes. Sans doute une des plus belles aventures pop de ces dernières années. Je ne peux pas croire que tu m'aimes, mais je t'en prie, dis-le quand même, dis-le encore. C'est le plus fort. Peut-être qu'au fond, au fond j'ai tort. Et que tu m'aimes. Alors, alors dis-le sans t'arrêter. Dis-le encore, faut répéter pour que ça rentre. Dis-le encore, je veux l'entendre d'une autre façon. Faut me surprendre pour m'aimer. Mais je... Non, je ne peux pas croire que tu m'aimes. T'as beau l'avoir chanté, l'avoir crié sur tous les toits. Moi non, je ne te crois toujours pas là. Qu'est-ce qu'on fait là? Alors, oui, dis-le-moi. Dis-le-moi. Dis-le-moi. Dis-le-moi. Dis-le-moi. Dis-le-moi. J'en ai vécu des amours malheureux. Tes paroles aussi belles que mensongères. Ces paroles et paroles légendaires. Oh moi, j'en ai vécu des amours miséreux. Alors, prends-en soin. Prends soin du cœur que tu as entre les mains. Demons are buzzing, demons are buzzing, demons are buzzing. was innocent. I wish I knew you before it felt like a sin. Cabaret Vert, The Last Dinner Party. Festival Cabaret Vert cet été. Vous écoutez notre carte postale des meilleurs moments. Et l'un des grands moments, c'était bien les Vampire Weekend sur la grande scène. New York, Charleville-Mézières. Le son tourbillonnait dans le soir d'été. Coucher de soleil, un peu en lévitation. I'm to you, you are to me, let's go. what I'm told. You are to let this go. Réfléchit notre programmation, et c'est plus la notion d'énergie que la notion de danse. D'accord. Mais effectivement, on construit les journées avec comme s'il y avait des enchaînements un peu logiques, qu'on se faisait une bande son un peu idéale d'une journée en imaginant quelqu'un qui se baladerait du Razorback qu'on entend au loin avec du métal, et puis peut-être on va enchaîner, créer des liens entre fans de toutes les cultures musicales. Et en se baladant d'une scène à l'autre, on réalise à quel point Claude MC a été précieux dans le groove des années 90. C'était lui la jonction avec des groupes comme De La Soul ou Massive Attack. Et c'était émouvant de le retrouver avec tous ses sons intacts. J'étais cool, assis sur un banc, c'était au printemps. Il cueille une marguerite, ce sont deux amants, overdose de douceur. Ils jouent comme des enfants. Je t'aime un peu beaucoup à la folie passionnément. Mais à la suite d'une douloureuse déception sentimentale, d'humeur chaleureuse je devenais brutal. La haine d'un être n'est pas de nos prérogatives. Tchernobyl, tchernodébile, jalousie radioactive. Caroline était une amie, une superbe fille. Je repense à elle, à nous, à nos cornets bannis, à sa boulimie de fraises, de framboises, de myrtilles, à ses délires futiles, à son style pacotille. Je suis las de trêve qui pique ton cœur. L'as de trait qui pique ton cœur. L'as de trait qui pique ton cœur. Caroline. Comme le trèfle à quatre feuilles, je cherche votre bonheur. Je suis l'homme qui tombe à pique pour prendre ton cœur. Il faut se tenir à carreau. Carreau, ce message vient du cœur. Pyramide de baisers, une tempête d'amitié, une vague de caresses, un cyclone de douceur, un océan de pensées. Caroline, je t'ai offert un building de tendresse. J'ai une peur bleue, je suis poursuivi par l'armée rouge. Pour toi j'ai pris des billets verts, il a fallu que je bouge. Pyromane de ton cœur, canadaire de tes frayeurs. Je t'ai offert une symphonie de couleurs. Elle est partie, mazo, avec un vieux macho qu'elle avait rencontré dans une station de métro. Quand je les vois main dans la main, fumant le même ego, je sens un pincement dans son cœur, mais elle n'ose dire un mot. C'est que je suis l'as de trèfle qui pique ton cœur. L'as de trèfle qui pique ton cœur. L'as de trèfle qui pique ton cœur. Caroline. ma fine. Pour te parler d'une amie qu'on appelle Caroline. Elle était ma dame, elle était ma cam, elle était ma vitamine. Elle était ma drogue, ma dope, ma coke, mon crack, mon amphétamine. Caroline. Actuelle, 20 ans, jeune et jolie. Remets donc le film à l'envers, magnéto de la vie pour elle. Faut-il l'admettre, les larmes ont coulé, hémorragie oculaire. Vive notre amitié, du passé, du présent. Je l'espère, du futur, je suis passé pour être présent. Dans ton futur, la vie est un jeu de cartes. Paris, un casino, je joue les rouges. Cœur, carreau. Elle aussi jouait sur la scène du Green Floor. C'est la productrice polonaise Martina Maya, Make You Scream. VTSS, c'est son nom de scène et elle a signé chez Ninja Tune. Le festival Cabaret Vert est né en 2005 avec l'association FLAP. Et FLAP, ça veut dire Fédération des loisirs et des arts populaires. Et populaire, ça veut dire que l'on croise plein de genres musicaux qui, a priori, ne devraient pas se mixer. On trouve les scènes métal, punk, électro, reggae, dub, variété, groove. Des groupes ultra connus, d'autres qui font leurs premiers pas. Et tout l'enjeu pour le festival, c'est de poursuivre sa croissance sans se perdre. Slap, slap, slap. Comme mes photos, ça fait fop, fop, fop, fop. Niki, niki, niki, nya, nya, nya. musique c'est vivant, la musique ça évolue, ça bouge, voilà, et enfermer quelque chose dans une case, moi je déteste ça. Donc on continuera à lutter longtemps pour casser un peu des codes. Et hier c'était vraiment une belle journée. Ouais. Passer du Fat Dog à Théodora. Bah oui, voilà. Franchement ouais, c'était cool, enfin, moi c'est un ouais. kiff. Hein, exemple Théodora, Fat Dog dont tu parles. Si on écoute les deux, on se dit ça n'a rien à voir. Et pourtant, mais quand on voit les deux concerts, on se dit bah oui, il y a une énergie, il y a un truc, il y a un partage, il y a une générosité et le public il a autant adoré l'un que l'autre. Le Zion Club au Festival Cabaret Vert, c'est un peu l'Éden du dub et du reggae. On croise l'une des programmations les plus tripantes en France. Asher Selector, King Chilo, ou bien Zion Train avec ce Revolution Sounds. Reggae, Tracy Chapman, Dio Yete et ses cadeaux. On ne retiendra pas grand-chose de la prestation surréaliste de Will Smith sur la grande scène. D'autant qu'on avait un peu oublié sa carrière de rappeur. Mais les 20 premières minutes de son show étaient revigorantes. Ouais, on peut dire ça comme ça. Des sons un peu oubliés remontés à la surface. C'était toute la période old school avec son pote et génial producteur DJ Jazzy Jeff. A touch of jazz. Dio était au festival Cabaret Vert. Je fais des dégâts méga boulettes, en jardinier comme poulet, obsédé par le ballon rond, mais ça m'empêche pas de vous faire tourner. Je rentre, puis je mets pas d'amulette, hein. Chargé fond pas qui me pète, hein. Chico Bouyang est tapant, je m'arrête pas jusqu'à Kigalette. Je cogite trop bientôt, je prends mes affaires, je me barre d'ici. Je serai même dans le ghetto, je préférerais même assis au bord de la piscine. Chacun ses sous, si tu vas pas m'avoir ce coup, s'ils font les gros, la moitié ont du mal à payer en leasing. Je me réveille aux heures militaires. Pour gonfler la quiche, ta bécane dans l'utilitaire. Si t'oublies de la mettre sous mes mains, j'dis d'arrêter mais j'réitère. Non, non, non, j'réitère. Non, non, non, j'réitère. J'dis d'arrêter mais j'réitère. Soit t'es impliqué, soit t'es ramasseur de ballon. Chez moi on parle peu, y'a le quart du quartier en mandat d'épaule. J'anticipe comme Isaac Kadjar, les chemettes qui changent le fusil d'épaule. Je change fusil d'épaule. Nouveau monde vient refaire la déco. J'ai mis ce qu'il fallait pas sur le déco. J'ai mis le plus bénéfique avant. On mange bien, on verra ce qu'on fera après. En tout cas, si tu vas me signer, mets le prix. Ça finit en 3 points switch. Haute scène, neuf de bien placé. Je voulais love pas les strass. Roser, la bitch m'a fait du run. Dedans, ça polémique, même quand y'a pas de débat. J'écoute pas les cons, ça me fait mal à la tête. Y'a des trucs, je les referai plus à perte. En ce moment, j'ai plein d'appels manqués. Dis-moi, c'est comment là tu fais la quête. T'as fait des phases et tout ça par intérêt. Je me réveille aux heures militaires. Pour gonfler la quiche, ta bécane dans l'utilitaire. Si t'oublies de la mettre sous mes mains, j'dis d'arrêter mais j'réitère. Non, non, non, j'réitère. Non, non, non, j'réitère. J'dis d'arrêter mais j'réitère. Soit t'es impliqué, soit t'es ramasseur de ballons. Chez moi on parle peu, y'a le quart du quartier en mandat d'épaule. J'anticipe comme Isaac Kadjar, les chemettes qui changent le fusil d'épaule. J'anticipe comme Isaac Kadjar, les chemettes qui changent le fusil d'épaule. Était aussi sur la scène rap. Baronne, j'ai crié ton daron, j'ai kiffé ta daronne, bitch. Tu l'attrapes, maman, donc t'es mon fils. Numéro 1, t'es numéro 10. Trop bien, faut dans ma tête, on est 10. Crois pas qu'on est bis, j'ai cramé ton fils. Bitch, bitch, bitch. Mon dieu, je suis condamné à mourir riche. Ici, ça drip, ça flex. De Brésil ou à Paris. T'as la rage comme mon ex. Ici, ça drip, ça flex. De Paris à Libreville. Ici, on compte les espèces. Vie, on envoie des flammes, on est pyro. Comme chez qui n'a rien, qu'on brûle tout. Bars, on en a des kilos. Ça fait pas tout, sous-côté mais je suis dans le top 10. J'ai ce que je vaux, j'ai les capacités. Font ami ami sur le Netflix. Et par chinois quand il faut te citer. J'ai pas besoin qu'ils me plébiscite. J'ai qui et qui donc ils m'aiment me suivent. Tu me verras jamais dans des baisers. Jamais en team, toujours en équipe. Derrière mon dos sont là comme le dossard. J'dois toujours en faire plus. On fout la merde comme paradis sur Mars. Comme ça qu'on exécute. J'suis dans le rap quand je veux, j'flex. Passe partout comme le 4-4. La tête est haute, pas de complexe. Vos rappeurs dans le 4-4 sont mangés. J'arrive avec la fougue, le flow, ils sont en danger. L'avenir sera radieux si tout se passe bien, on passe en radio. J'suis dans la cuisine, je whip, j'ai le flow et la technique. Oh, ah, that's right. Je rebondis sur le kick. Quand on déboule en équipe, je les vois tous qui paniquent. Oh, ah, dans tes yeux, je vois que tu flippes. Ah, oh, ici ça drip, ça flex. Ah, oh, de Brésil ou à Paris. Ah, oh, t'as la rage comme mon ex. Ah, oh, oh, oh, oh, ah, oh, ici ça drip, ça flex. Ah, oh, de Paris à Libreville. Ah, oh, ici on compte les. Ce feu dans mon regard, asséché mes larmes. Les roubailles, les voiles ferrées. Nois, mollets, nous parler. Ici, ça tape, ça flex. Ah, de Brésil ou à Paris. Ah, t'as la rage comme mon ex. Ah, oh, oh, oh, oh, ah, oh. Ici, ça tape, ça flex. Ah, de Paris à Libreville. Ah, oh, ici, on compte les espèces. Ah, oh, oh, oh, oh, ah, oh. Et là, soudain, Quelques mamies bénévoles de Cabaret Vert encouragent les Californiennes The Linda Lindas pour leur premier concert en France. Thank you so much for being here so early in the festival. Thank you to Cabaret Vert for having us today. This is so amazing. This is so wonderful that we get to be here and do music, and we all get to have music together in this way. It's so, we're so grateful for you. Thank you so much. Passé un moment de ferveur un peu dingue pendant le festival. Un truc mystique, un rituel géant. Queen of the Stone Age. Paranoid. Merci, thank you so much. À Cabaret Vert, il y a les vétérans et des découvertes comme Tram House, du post-punk qui nous vient de Rotterdam. Bon, c'est vrai que le charme et le déhanché du chanteur, Lucas Jensen, n'étaient pas pour rien dans le kiff de ce live hypnotique, comme un instant suspendu. Welcome to the Wild West. It's not allowed to shoot someone in the back, but it happens. Not allowed to drive real fast, but it happens. It's not allowed to stab each other in the chest, but it happens. Yeah, it used to be worse, but still it happens. Les plus forts, c'est pas d'avoir dansé, c'est qu'à un moment, je sais pas pourquoi, à côté, il y a une ferme qui a brûlé intégralement. Et il y a eu un feu, les flammes étaient tellement hautes. Et on s'est retrouvé à une centaine de personnes assises sur des pierres à regarder la grange brûlée. Les pompiers sont pas venus et on était tous comme des espèces d'animaux pris dans les phares d'une voiture. Et on n'a pas bougé en fait. Tu vois, c'est ça mon expérience. On n'a pas bougé. Le moment le plus fort, c'est quand on n'a pas bougé. C'était sidérant. Yesterday. Vivas et Varieta. Saved you, but you said that I don't really Pat et sa folk dance irlandaise étaient une vraie révélation. Et les Anglais Wet Leg ont confirmé qu'ils ne sont pas en chaise longue. Wet Leg à cabaret vert et ici en mode Dépêche Mode. Cabaret vert, on a essayé de vous le faire entendre, c'est une programmation géniale. Du rock, du rap, du reggae, de l'électro, du punk, de la variété, du métal. Mais pas que. Le festival propose aussi des salons dédiés à la bande dessinée avec de très nombreux auteurs. Du cinéma. Et cet été, comme invité entre autres, il y avait la joyeuse bande du Bruxelles Porn Festival avec sa programmation non conventionnelle et une séance d'exploration du patrimoine de l'alternative pornographique. On trouve aussi des débats avec une bonne part sur l'écologie, des structures de prévention dans de nombreux domaines, y compris la santé. Et puis ce sont plus de 2500 bénévoles, on les salue, qui sont à la manœuvre pour accueillir le public, les artistes, organiser les montages des scènes, gérer la sécurité et tout ce qui fait que le festival fonctionne sur le plan humain, mais également économique. Cabaret Vert, c'est aussi un énorme camping sur les bords de Meuse. Bah en fait, il y a de quoi faire. Et c'est intéressant de voir comment le truc travaille, le pari fou de mixer les publics avec sa grande diversité de scènes, de préserver une programmation pointue tout en ouvrant au plus grand nombre sans se perdre vers d'autres horizons musicaux. Et à l'heure des algorithmes qui nous enferment, c'est plutôt cool de voir en réel autant de styles et de personnes se croiser et faire la fête tous ensemble. Elle aura bien marqué son passage à Cabaret Vert. Horse Girl et son programme presque warholien. Eat, Sleep, Slay. Thank you. C'était la carte postale de Radio Duo au Festival Cabaret Vert en août cet été. On se donne rendez-vous l'année prochaine, du 20 au 23 août 2026 à Charleville-Mézières. Non seulement la musique est bonne, mais c'est aussi l'occasion de découvrir une super région pétée de forêts qui parcourt à l'infini la frontière de la France à la Belgique. On annonce dès maintenant pour 2026 Nick Cave, les Deftones ou encore Body Count avec Ice-T. Toutes les infos sont sur le site internet de Cabaret Vert. Un grand merci aux organisateurs du festival pour leur accueil et plus particulièrement Nicolas Imbergeant et Cédric Cheminot. Merci aussi au groupe Varieta qui a répondu présent pour une interview et on vous recommande chaudement leur nouvel album sorti cette année. Mille merci à la petite bande des Ozos de Charleville avec Tonton Camille pour la sélection des titres et le montage de cette carte postale. C'était un gros taf, il a tenu bon et on a kiffé de retrouver tous ces bons moments. À Tonton Vincent qui a enregistré plein d'ambiances sonores pour retrouver un brin des sensations du festival. À Fred et Mimi pour leur accueil dans les Ardennes, sans qui la traversée n'aurait pas du tout eu la même saveur. Et à Tonton Dom que vous retrouvez tous les jeudis soirs aux manettes dans la nuit des temps, l'international de la dance. Bon dimanche sur Duo. Les programmes continuent avec Nick Cave and More. Salut! Et merci Dom! seers and rocks have eyes. Nature loves to hide. The world is a bush full of fiery eyes. Nature loves to hide. I've traveled a lot, I was observed. I was observed and unaware. I've traveled a lot unaware. I was observed, I was observed. We are not alone. Good news for us. We are not alone. Good news. We are not alone.